dimanche à partir de 22h. 60 minutes d'ambiance. Prélude, présenté par Guillaume de Baskerville. As I was saying, stereo is full of surprises.

Prélude, prélude, prélude. Thank you. Prélude, prélude, prélude.

Christine de Prélude sur forum.galaxyfm.com.